إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، nous en sommes aujourd'hui au 26e chapitre du livre de l'unicité de l'imam Muhammad ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala, qu'il a intitulé « Chapitre au sujet de ce qui est rapporté concernant les voyants et leurs semblables ». Nous avons vu dans les chapitres précédents le jugement de la sorcellerie et le jugement des sorciers, ainsi que de certaines formes de sorcellerie. Et dans ce chapitre, le Cheikh rahimahullah ta'ala va nous exposer le jugement des voyants. Et ce car il y a certains points communs entre les voyants et les sorciers. Car la sorcellerie ainsi que la voyance font partie des œuvres démoniaques qui s'opposent à la croyance authentique et viennent l'annuler. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala dans ce livre, il nous expose et nous explique quelle est la croyance authentique que doit adopter tout musulman. Et en parallèle de cela, il nous expose et nous explique ce qui s'y oppose parmi les actes relevant du polythéisme ou de la mécréance, ainsi que ceux qui affaiblissent la croyance de la personne, comme les innovations et les choses nouvelles en religion. Il nous explique donc le bien, afin que nous le mettions en pratique, et nous prévient contre le mal, afin que nous puissions nous en écarter. Il a donc intitulé ce chapitre « Chapitre au sujet de ce qui est rapporté concernant les voyants et leurs semblables », c'est-à-dire tous ceux qui sont semblables aux voyants comme le devin, l'astrologue, le géomancien et autres parmi ceux qui prétendent connaître l'avenir. Donc la voyance, cela désigne le fait de prétendre connaître l'invisible. Et ceci a lieu par des procédés démoniaques. Le voyant est donc celui qui informe au sujet de ce qui est caché, comme par exemple des événements futurs, ou alors au sujet de choses qui sont perdues, en informant au sujet de leur localisation. Et la cause par laquelle il obtient ces informations, c'est qu'il se soumet aux démons. On a mentionné dans des chapitres précédents que les démons, ils ont certaines capacités que l'homme ne possède pas. Il leur est possible de voler, de se déplacer rapidement d'un endroit à un autre, d'entrer dans les maisons, d'entrer dans les demeures, et ainsi de suite. On a mentionné également qu'ils montent au ciel afin d'essayer de dérober furtivement certaines informations qu'ils entendent des anges. On a mentionné le hadith à ce sujet dans un chapitre précédent. Donc après cela, ces démons, ils vont informer de ce qu'ils ont entendu, le voyant, le devin ou autre parmi leurs semblables. Mais ils ne font pas ça gratuitement. Ils font cela en échange de la soumission et du culte que leur voue ce voyant. C'est-à-dire que les démons, ils n'informent que ceux qui se soumettent à eux et mécroient en Allah subhanahu wa ta'ala, en commettant différentes formes de shirk et de mécréance. Donc une fois que le voyant se soumet au démon, qu'il commet ce qu'il lui demande comme mécréance et comme polythéisme, alors il l'informe de ce qu'il désire comme information. Et la voyance, elle était très pratiquée chez les Arabes au temps de la Jahiliya, c'est-à-dire avant l'islam. Et les voyants étaient des gens respectés chez les Arabes. Il y avait un voyant dans chaque tribu, et c'est lui qui tranchait lorsqu'il y avait des différends entre les gens. Et les démons qui dérobent des informations du ciel, ils étaient nombreux à cette époque. Et ils informaient les voyants de ce qu'ils entendaient. Mais lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé d'envoyer son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les cieux ont été protégés par des météores. Ils ne pouvaient donc plus dérober des informations. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet, au verset 9 de Surat al-Jinn, وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدَ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Nous y prenions place pour écouter, c'est-à-dire pour essayer de dérober des informations furtivement. Mais quiconque prête l'oreille maintenant trouve contre lui un météore aux aguets. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la voyance a diminué comparée à ce qui en était avant l'islam au temps de la Jahiliya. Toutefois, elle est toujours présente, et ce jusqu'à nos jours, et d'autant plus dans les sociétés où l'ignorance est répandue. Plus l'ignorance est répandue dans une société, plus ces charlatans parmi les voyants, les devins et autres sont nombreux. Et plus la science est diffusée dans une société, plus les gens se cramponnent à la religion authentique, à la croyance authentique, selon le Coran et la Sunna, moins les voyants et autres charlatans sont nombreux. Et il se peut même qu'ils disparaissent. Donc dans les endroits où le tawhid est propagé, où les gens pratiquent l'islam authentique, on ne trouve pas ces voyants, ces devins, ces sorciers, et ainsi de suite. Et même s'ils sont présents, ils se cachent. Ils ne se montrent pas. Et ils sont peu nombreux. Alors que dans les sociétés où l'ignorance est répandue, dans les sociétés où les gens croient en différentes superstitions et souffrent de nombre de croyances erronées, contraires au livre et à la sunna, alors les voyants sont nombreux et sont répandus. Et ils sont même respectés dans certains endroits, comme ils l'étaient au temps de la Jahiliya. C'est donc pour cela que le cheikh, rahimahullah ta'ala, a abordé ce sujet dans ce livre, car il est d'une grande importance. Et il a voulu nous démontrer différentes choses comme le jugement des voyants, mais aussi le jugement de les consulter et le jugement de ceux qui croient en ce dont ils informent. Et il nous a mentionné pour cela quatre hadiths. Et ce afin de nous mettre en garde, afin que les musulmans ne se fassent pas leurrer par ces charlatans, même si certains parmi eux prétendent être des médecins, ou être des guérisseurs, ou avoir certains dons, comme certains parmi eux le prétendent. Tous ces noms, ils ne servent qu'à tromper les gens, et ils ne changent rien de leur réalité. Le voyant reste un voyant, même si on l'appelle médecin, ou qu'on l'appelle guérisseur, ou autre parmi les noms. Cela ne change rien à la réalité des actes qu'il commet. Donc le premier hadith que le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné, il dit, Muslim, rahimahullah ta'ala, a rapporté dans son recueil authentique d'après une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans une autre narration, il est venu que celle-ci est Hafsa, la fille de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhumah. Elle rapporte donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit: Celui qui consulte un devin et le questionne et croit en ce qu'il dit, aucune prière ne sera acceptée de lui durant 40 jours. Donc ce que j'ai traduit ici par le devin, c'est le mot arraf en arabe. Et l'arraf, c'est celui qui informe au sujet de choses qui sont cachées, en ayant recours aux conjectures, aux présomptions, aux pressentiments. Et certains ont dit parmi les gens de science, comme on va le voir à la fin de ce chapitre, que le arraf est le voyant, al-kahin en arabe, et qu'il n'y a pas de différence entre ces deux noms, comme on le verra à travers la parole de Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah ta'ala que l'auteur a mentionné. Donc Al-Arraf, l'on a traduit par le devin, c'est un nom général qui englobe toute personne qui informe au sujet des choses cachées, qu'il ait recours pour cela aux démons ou qu'il ait recours à d'autres procédés comme en ayant recours aux conjectures, à l'astrologie, aux traits tracés sur le sol, à la lecture des traits de la main, à la lecture des restes de café ou du marc à café, et ainsi de suite parmi les méthodes qu'ils peuvent utiliser. Tout ceci rentre dans la généralité du mot devin ou du mot voyant, et ils ont tous le même jugement. Il dit donc dans ce hadith, celui qui se rend chez un devin et le croit. Et cette partie, le croit, elle n'est pas dans l'authentique de l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Mais elle est venue dans une autre narration, rapportée par l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, dans son musnad. Donc les termes qui sont dans l'authentique de l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, c'est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui se rend chez un devin, aucune prière ne sera acceptée de lui durant 40 jours. On voit donc que le jugement, il porte sur le simple fait de se rendre chez les devins. Car le fait de se rendre chez eux, c'est un grave péché qui est interdit même si la personne ne le croit pas. Donc ce hadith, il nous prouve l'interdiction de se rendre chez les devins et les voyants, même si la personne ne les croit pas. Même s'il dit, je me rends chez eux simplement pour voir par curiosité. Ceci reste interdit. Il en est de même concernant celui qui consulte l'horoscope. Même s'il ne croit pas en ce qui est mentionné dans celui-ci, qu'il le lit simplement par curiosité, alors il rentre sous la menace mentionnée dans ce hadith. Aucune prière ne sera acceptée de lui durant 40 jours. On voit donc que la sanction est sévère. Durant 40 jours, il va prier et Allah subhanahu wa ta'ala ne lui donnera aucune récompense pour ses prières. Et ceci ne veut pas dire qu'il ne doit pas prier, ou alors qu'il doit refaire ses prières. Car la prière reste pour lui une obligation. Il doit l'accomplir en remplissant ses conditions, ses piliers, ses obligations, ainsi de suite. Et l'accomplir de manière valide. Mais ce qui est visé par le hadith, c'est qu'il n'aura aucune récompense pour cette prière car elle n'est pas acceptée. On fait donc la différence entre deux choses, entre la validité de la prière et l'acceptation. La validité, c'est que tu remplisses ses conditions, ses piliers et ses obligations. Quant à l'acceptation, c'est une chose supérieure à cela qui est entre le serviteur et Allah. Il se peut qu'une personne accomplisse une prière de manière valide en apparence, mais que sa prière ne soit pas acceptée et qu'il n'en tire aucune récompense. Ceci est donc une menace sévère, nous indiquant la gravité du péché de se rendre chez les devins ou les voyants, ou alors de lire un horoscope. Le simple fait de s'y rendre ou de lire, même si la personne n'y croit pas. Car s'il y croit, le jugement est plus sévère, comme on va le voir dans le hadith suivant. Il a donc mentionné un deuxième hadith et a dit, d'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui se rend chez un voyant et croit en ce qu'il dit, il a certes mécru en ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith est rapporté par Abu Daoud, rahimahullah ta'ala. On voit donc qu'il y a deux choses qui sont mentionnées dans ce hadith. Premièrement, le fait de se rendre chez le voyant. Et deuxièmement, de croire en ce dont il informe, c'est-à-dire parmi les choses qu'il prédit et qui sont liées à la voyance. Et le jugement de cette personne qui s'est rendue chez le voyant et qui a cru en ce qu'il dit, c'est ce qu'a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Il a mécru en ce qui a été révélé en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car il n'est pas possible pour une personne de croire en ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et en même temps de croire aux informations des voyants qui tirent cela des démons. Ce sont deux choses opposées qui ne peuvent pas se réunir. La personne, elle ne peut pas croire d'une part au Coran et croire en même temps en la voyance, en l'astrologie, ainsi de suite. Donc le sens apparent de ce hadith, c'est que celui qui croit en cela, il sort de la religion de l'islam. Et les savants ont divergé à ce sujet, concernant la mécréance visée dans ce hadith. Certains ont dit que c'est la mécréance majeure, dont l'auteur sort de la religion de l'islam. D'autres ont dit que ce qui est visé, c'est la mécréance mineure, c'est-à-dire que c'est un grave péché, mais que celui-ci ne sort pas de la religion. Et d'autres ont dit que l'on s'abstient, c'est-à-dire que l'on mentionne le hadith comme il est rapporté, sans préciser si ce qui est visé par celui-ci, c'est la mécréance majeure ou la mécréance mineure. Mais on dit comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mécru en ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, a mentionné dans son explication que ce qui est apparent, et Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant, c'est que l'avis le plus juste est le premier avis. C'est-à-dire que celui qui croit en ce qui est mentionné dans l'horoscope, ou celui qui croit aux informations des voyants, aux informations des devins, et ainsi de suite, alors il a mécru d'une mécréance le faisant sortir de la religion de l'islam. Car comme on a dit, il n'est pas possible que se réunissent chez une même personne la croyance au Coran et la croyance en la voyance. Car Allah subhanahu wa ta'ala a démontré la fausseté de la voyance et nous a informé que ceci provient des œuvres des démons. Donc celui qui croit le voyant et croit en ce dont il informe, alors il a commis en cela de la mécréance majeure, wal'iyadhu billah. Et ceci est le sens apparent de ce hadith. Ensuite, le shaykh, rahimahullah ta'ala, a mentionné un troisième hadith et il a dit, et les quatre ont rapporté, ainsi qu'Al-Hakim, qui a dit que c'est un hadith authentique selon les conditions d'Al-Bukhari et Muslim, d'après Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, celui qui se rend chez un devin ou un voyant et croit en ce qu'il dit, il a certes mécru en ce qui a été révélé en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Shir rahimahullah ta'ala, il a mentionné ce hadith qui vient confirmer le sens du précédent, et ce car il y est mentionné dans celui-ci Al-Arraf et Al-Kahin, le devin et le voyant. Et ceci nous démontre que leur jugement est le même et qu'il n'y a pas de différence entre eux en ce qui concerne leur statut. Ensuite, il dit, rahimahullah ta'ala, et Abu Ya'la rapporte la même chose d'Ibn Mas'ud, d'une bonne chaîne de transmission. Mais il le rapporte mawqufan, c'est-à-dire que c'est la parole d'Ibn Mas'ud et non pas celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le mawquf, ce qui est visé par celui-ci, c'est les paroles des compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Contrairement au marfu', qui sont les paroles qui remontent au messager sallallahu alayhi wa sallam. Quoi qu'il en soit, ceci confirme ce qui a précédé. Et tous ces hadiths nous démontrent l'interdiction de se rendre chez les devins et les voyants, et d'autant plus l'interdiction de croire en ce dont ils informent. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné un quatrième hadith et il a dit « D'après Imran ibn Hussein, radiyallahu ta'ala anhu » Donc ici, il dit « marfu'an », c'est-à-dire qu'il rapporte la parole suivante et l'attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Ne sont pas des nôtres. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se désavoue ici de plusieurs personnes. « Celui qui consulte les augures ou pour qui on les consulte. » Et les augures, le cheikh rahimahullah ta'ala y a consacré un chapitre que l'on verra dans un prochain cours, incha'Allah ta'ala, on y reviendra donc. Celui qui consulte les augures ou pour qui on les consulte. Celui qui pratique la voyance ou pour qui on la pratique. C'est-à-dire qui la demande, qui questionne à ce sujet. Et celui qui pratique la sorcellerie ou pour qui on la pratique. Et celui qui se rend chez un voyant et croit en ce qu'il dit, il a alors certes mécru en ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith, l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit qu'il est rapporté par Al-Bazzar d'une bonne chaîne de transmission. Et il dit qu'il a été rapporté également par Al-Tabarani dans Al-Awsat, d'après Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, sans la dernière phrase. Donc dans ce hadith, tout comme dans ceux qui ont précédé, on voit l'interdiction de la voyance et l'interdiction de se rendre chez les voyants. Et ce car les voyants et leurs semblables corrompent la croyance des gens qui se rendent auprès d'eux. Il faut prendre garde au fait que certains parmi eux peuvent s'apparenter à des personnes pieuses et vertueuses. Ils peuvent, en apparence, faire beaucoup de rappels d'Allah, prier à la mosquée et autres parmi les œuvres de bien. Et l'objectif derrière cela, c'est de tromper les gens, afin que les gens disent « Mais comment peux-tu dire que celui-ci est une personne mauvaise alors que je l'ai vu à la mosquée, je l'ai vu prier ?» Comment peux-tu dire qu'il est mécréant alors qu'il prie avec nous à la mosquée? Ceci est présent dans certains endroits. Un frère m'a rapporté qu'il s'est un jour rendu dans une mosquée pour accomplir les sermons du vendredi et que dans cette mosquée le vendredi, il y avait tous les voyants de la ville qui venaient y prier. Donc il faut bien comprendre que ce n'est pas toute personne qui vient à la mosquée, toute personne qui prie qui est forcément musulmane. Il se peut qu'un homme fasse ses 5 prières, qu'il donne l'aumône, qu'il jeûne, qu'il fasse le pèlerinage, mais qu'il soit mécréant. Méditez simplement à ce sujet sur la situation des hypocrites, ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé qu'ils seront au plus bas fond du feu. Et les hypocrites, ce sont qui? Ce sont ceux qui montrent l'islam en apparence. Devant les gens, ils montrent qu'ils vont à la mosquée, qu'ils prient, qu'ils donnent des aumônes et ainsi de suite. Mais dans leur cœur, ils cachent la mécréance. Et il en est de même concernant celui qui accomplit toutes ses œuvres de bien en apparence, mais qui en parallèle de cela commet des choses qui annulent l'islam. Il fait du polythéisme, il invoque autre qu'Allah, il sacrifie pour autre qu'Allah, il fait appel aux djinns, il prétend connaître l'invisible, connaître l'avenir, et ainsi de suite. Tout ceci sont des choses annulant l'islam de la personne. Donc le voyant, même s'il prie, qu'il jeûne, qu'il fait le pèlerinage, ses œuvres ne sont pas acceptées de lui, car c'est un polythéiste mécréant. Et il en est de même que pour le sorcier. Même si le sorcier fait le pèlerinage, qu'il prie et qu'il jeûne, il reste polythéiste mécréant. Même si le voyant est assidu à sa prière à la mosquée, qu'il fait beaucoup d'aumônes, qu'il finance la mosquée, qu'il donne de l'argent pour les frais de la mosquée, ceci ne lui profite en rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala tant qu'il commet ses actes de polythéisme et de mécréance et qu'il ne s'en repent pas. Et d'autres personnes disent « Oui, mais je me suis rendu auprès de lui et j'en ai tiré profit. J'étais malade et j'ai été guéri. » Ou alors « J'ai obtenu ce que je recherchais. J'avais perdu un objet et il a été la cause pour que je le retrouve. » Et la réponse à cette objection est que le fait que tu obtiennes ce que tu désires, cela ne veut pas dire que la chose que tu as faite est permise. Il se peut qu'une personne se voit obtenir ce qu'elle recherche par des moyens illicites, et ce, à titre d'épreuve et de tentation. Donc ce que tu dois prendre en considération, c'est quoi? C'est le jugement religieux de ton acte. Est-ce que cet acte est un acte permis, d'après les preuves du Coran et de la Sunna, ou est-ce que cet acte est un acte interdit d'après les preuves du Coran et de la Sunna. Tu ne regardes pas les résultats. Tu ne te laisses pas tromper par cela. Car, comme on a dit, ceci peut être une simple tentation, une épreuve, afin de te tester, de t'éprouver, et voir si oui ou non tu suis réellement la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si oui ou non tu reviens au texte du Coran et de la Sunna. Si oui ou non tu fais preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le musulman, il ne doit pas se laisser leurrer par cela. Vous voyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il a dit ne sont pas des nôtres et ceci est une menace sévère. Ça nous indique la gravité de ce péché qui fait partie des péchés majeurs. Il est donc interdit de consulter le voyant ou de l'interroger. Et il en est de même concernant le devin, le sorcier et autres parmi leurs semblables, même si on ne croit pas en ce dont ils informent. Et si la personne y croit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui se rend chez un voyant et croit en ce qu'il dit, il a alors mécru en ce qui a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On voit donc qu'il y a deux situations possibles. Soit la personne s'y rend et ne le croit pas, se peut qu'elle s'y rende par curiosité, ou pour voir ce qu'il peut faire, mais n'y croit pas. Alors celui-ci, comme on a dit, sa prière, elle n'est pas acceptée durant 40 jours. Et ce car il a commis ce grand péché de se rendre auprès d'eux. Il est donc châtié et sanctionné par le fait que sa prière est rejetée durant 40 jours. La deuxième situation, c'est qu'il s'y rende et qu'il croit en ce dont il informe. Alors celui-ci a mécru en ce qui a été révélé à Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Après nous avoir mentionné ces hadiths, le cheikh, rahimahullah ta'ala, nous a mentionné des paroles des gens de science concernant ce que désignent les termes mentionnés dans ces hadiths, qui sont al-arraf, que l'on a traduit par le devin, et al-kahin, que l'on a traduit par le voyant. Il a donc dit, rahimahullah, al-Baghawi, qui est un noble imam, parmi les imams des gens de la sunna, al-Husayn ibn Mas'ud al-Baghawi, rahimahullah ta'ala, l'auteur de célèbre tafsir appelé tafsir al-Baghawi. Il dit, rahimahullah, le devin est celui qui prétend connaître des faits en faisant au préalable certaines choses sur lesquelles il se base pour retrouver un objet volé ou savoir où se trouve une chose perdue. Et en réalité, comme on a mentionné le devin, la source de ces informations, ce sont les démons. Mais en apparence, il va faire certaines choses au préalable et prétendre que c'est comme cela qu'il a réussi à obtenir ces informations. Donc il fait des choses qui sont en apparence des choses permises. Par exemple, il va tracer des traits sur le sable, ou alors il va demander à la personne de lui ramener un de ses vêtements, puis il va l'observer, ou bien il va garder ce vêtement une nuit, et n'informer de ses observations qu'au lendemain. Et ainsi de suite parmi les choses qu'ils peuvent pratiquer. Tout ça dans le but que les gens pensent qu'il n'y a pas de mal en ce qu'ils font. Mais en réalité, c'est juste pour les tromper. Car la réalité de sa situation est qu'il fait appel aux démons. Et c'est eux qui l'informent de ces choses. Ils vont l'informer que tel objet a été volé et qu'il se trouve en tel endroit, chez telle personne. Ou alors que telle chose qui est perdue se trouve dans telle rue, sous tel arbre, et ainsi de suite. Ce sont les démons qui l'informent de cela. Sinon, comment il pourrait le savoir? Comment il pourrait connaître le lieu où se trouve un objet volé ou un objet perdu? Il ne peut savoir cela qu'en raison de son appel aux djinns et son appel aux démons. Ensuite, Al-Baghawi, rahimahullah ta'ala, a dit, et on a dit que Al-Arraf et Al-Kahin, que le devin et le voyant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre eux. Car chacun d'entre eux prétend connaître ce qui est caché. Et tous deux font appel aux démons pour obtenir les informations qu'ils désirent. Donc que ce soit le devin ou le voyant, ils prétendent tous deux connaître l'invisible, connaître ce qui est caché, et ils font tous deux appel aux démons. Ensuite, il dit, rahimahullah, et le voyant est celui qui informe au sujet des événements inconnus de l'avenir. C'est-à-dire, il informe au sujet du futur. Et ça également, il le fait en prenant certaines informations des démons. Comme on l'a vu, certaines informations qu'ils dérobent du ciel, puis ils en informent le devin et le voyant. Et comme on a dit, il n'obtient cela qu'en se soumettant à eux et en vouant différentes sortes d'adorations. Il ne l'informe pas de cela avant qu'il ait commis le polythéisme et la mécréance. Une fois que le voyant se rapproche des démons par différentes formes de polythéisme et de mécréance, alors ce n'est qu'à ce moment-là que les démons vont l'informer des informations qu'il désire et des choses cachées. Enfin, il dit, rahimahullah, et on a aussi dit que le voyant est celui qui lit dans les pensées. Et ici, il faut faire attention à une chose, c'est le fait que les pensées, elles sont différentes de ce qu'il y a dans le cœur de la personne. Car seul Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qui se trouve dans le cœur de ses serviteurs. Quant aux pensées, il est possible que les démons en aient connaissance. Car c'est eux qui nous suggèrent différentes choses, c'est eux qui nous suggèrent des wasawis. Ils peuvent donc avoir connaissance des pensées de l'homme. Et ils savent au sujet de l'homme ce qu'un homme ne peut pas savoir au sujet d'un autre. C'est donc pour cela que il se peut que le voyant informe la personne au sujet de ses pensées, et ce, avec l'aide des démons. Donc ceci est l'explication de l'imam al-Baghawi rahimahullah ta'ala concernant le devin et le voyant. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala nous a mentionné la parole de cheikh l'islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala qui a dit « Al-Arraf, le devin, est un nom qui est donné aux voyants, à l'astrologue, aux géomanciens et autres parmi leurs semblables. Les géomanciens, c'est celui qui fait des traits sur le sable ou autre pour prédire l'avenir. » Donc, cheikh l'islam rahimahullah ta'ala, il nous dit que le mot arraf en arabe, que l'on a traduit par devin, c'est un nom qui est général. Et entre sous celui-ci toute personne qui prétend connaître l'avenir. Que ce soit par le biais de la voyance, ou de l'astrologie, ou des traits faits dans le sable, ou alors en lisant sur les paumes des mains, dans le marc à café, ou autre que cela. Quelle que soit la manière dont ceci est pratiqué, tous prétendent connaître ce qui est caché, prétendent connaître l'invisible, et tous ont recours aux démons et se soumettent à eux par différentes formes de polythéisme et de mécréance. C'est pour cela qu'il dit, rahimahullah ta'ala, et autres parmi leurs semblables, parmi ceux qui prétendent connaître ces choses par ces manières. Ceci englobe donc tous ceux qui prétendent connaître l'invisible, informent au sujet de l'avenir en ayant recours à ces procédés comme les traits sur le sol, la lecture des lignes, des paumes de la main, et ainsi de suite, parmi les différentes choses qu'il pratique. Ceci est donc une explication qui est plus générale. Et on déduit de celle-ci que la différence des procédés utilisés. L'un utilise le sable, l'autre utilise le marc à café, l'autre utilise les lignes de la main, l'autre utilise ceci ou cela, et ainsi de suite. Cela ne change rien à la réalité et au statut de leur acte. Car le résultat, c'est le même. Ils prétendent tous connaître al-ghayb, connaître l'invisible. Et le fait de prétendre connaître l'invisible, cela revient à prétendre détenir un savoir que seul Allah subhanahu wa ta'ala détient. Donc le jugement du devin, du voyant, du géomancien, du médium ou autre parmi les noms qu'ils peuvent se donner, c'est que ce sont des mécréants, car ils ont prétendu s'associer à Allah subhanahu wa ta'ala dans un de ses attributs qui est le fait qu'il détient la science del ghaib, la science de l'invisible. Enfin, le cheikh rahimahullah ta'ala a terminé ce chapitre en mentionnant une parole de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhumah, il a dit. Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhumah, a dit au sujet de ceux qui écrivaient certaines lettres de l'alphabet. Donc en arabe, ce qui est écrit, c'est abajad. Et ce qui est visé, c'est les lettres que l'on écrit lorsque l'on fait un sommaire. Lorsque, par exemple, on va écrire petit a, petit b, petit c, petit d, et ainsi de suite. Et eux, ils font cela, ils écrivent ces lettres, et ils prétendent sous chaque lettre, savoir ce qu'il va se produire. Donc en réalité, c'est un procédé utilisé pour pratiquer la voyance. Donc Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhumah, il dit à leur sujet, et au sujet de ceux qui observent les étoiles, je ne vois aucune part auprès d'Allah pour ceux qui font cela. Qu'est-ce que cela signifie, je ne vois aucune part auprès d'Allah? Cela veut dire qu'ils n'auront aucune part du paradis auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, que ce sont des mécréants. Car celui qui n'a aucune part auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le mécréant. Ceci est donc le jugement de Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhumah sur ces gens qui avaient recours à ces procédés pour pratiquer la divination, la voyance. Il ne vise en aucun cas celui qui écrit ses lettres pour faire un sommaire. Mais ce qu'il vise, c'est ceux qui avaient recours à cette pratique et prétendaient ainsi connaître l'avenir et la science de l'invisible. Quoi qu'il en soit, on voit à travers tous ces textes que la voyance est une chose très dangereuse et qu'elle fait partie des maladies répandues au sein de la communauté auxquelles il est impératif de remédier. Et c'est pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné ce chapitre dans ce livre, car ceci a un lien étroit avec la croyance du tawhid. Il est donc impératif que les musulmans prennent garde à ces charlatans qui prétendent connaître l'avenir, que ce soit des voyants, des devins, des médiums, des astrologues ou autres parmi les noms qui peuvent se donner. Car comme on a dit, le nom ou les procédés utilisés, ils ne changent rien au résultat. Le résultat, c'est le même. Ils prétendent tous connaître et détenir une part de la science de l'invisible. Donc, ce sont tous des mécréants. Ils ont tous le même jugement. Et celui qui se rend auprès d'eux, mais qui ne les croit pas, sa prière est rejetée, elle n'est pas acceptée durant 40 jours. Et celui qui les croit, il a alors mécru en ce qui a été révélé en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en résumé, on tire comme bénéfice de ces hadiths, premièrement, la fausseté de la voyance, sous toutes ses formes, qu'elle ait lieu en ayant recours au trait dans le sable, ou alors en lisant dans les lignes de la main, ou dans les mares à café, ou par l'observation des astres, comme c'est le cas des astrologues et des horoscopes, et ainsi de suite. Car tout ceci entre dans la généralité de la voyance qui consiste à prétendre détenir une part de la science de l'invisible. Alors que la science de l'invisible, elle n'est détenue que par Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il le dit dans son noble livre au verset 65 de Sourate An-Naml, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. Dit, nul parmi ceux dans les cieux et sur la terre ne détienne la science de l'invisible, si ce n'est Allah. Ceci fait donc partie des choses qui sont spécifiques à Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième bénéfice que l'on tire de ces textes, c'est l'obligation de mécroire et de renier les informations des voyants, ainsi que de leurs semblables. Et tu ne dois avoir aucun doute à ce sujet. Tu ne dois avoir aucun doute concernant le fait que les horoscopes ne contiennent que de la fausseté. Tu ne dois avoir aucun doute concernant le fait que les astrologues, les voyants et les devins, les médiums et ainsi de suite, ce ne sont que des menteurs. Tu dois avoir la ferme conviction de cela. Car celui qui les croit, ou qui a un doute à ce sujet, et qui se dit peut-être qu'ils sont véridiques, ou alors qui dit je ne sais pas, peut-être que ce qu'ils disent est vrai, peut-être que ce qu'ils disent est faux, mais je ne me prononce pas. Alors tout cela, ils ont mécru en ce qui a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car il est obligatoire de les renier avec certitude. Le troisième bénéfice que l'on tire de ces textes, c'est l'interdiction formelle de se rendre chez les voyants ou de les consulter. Et comme on a dit, entre dans cela la lecture des horoscopes et autres choses semblables. Et celui qui fait cela, même s'il ne les croit pas, sa prière est rejetée, elle n'est pas acceptée durant 40 jours. Et enfin, le quatrième bénéfice que l'on tire de ces textes, et les bénéfices sont nombreux, mais on se contentera de cela, c'est que celui qui croit aux informations du voyant, qui croit aux informations qu'il a lues dans l'horoscope, alors il a mécru en ce qui a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a mécru en ce qu'Allah lui a révélé. Et ce qu'Allah a révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? C'est le Coran et la Sunna. Donc celui qui croit aux voyants, qui croit aux horoscopes et autres choses semblables, il a alors mécru au Coran et à la Sunna. Et on demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous en préserver. On a donc terminé ce chapitre. On verra dans le cours de demain, inshallah ta'ala, le chapitre suivant, dans lequel l'auteur, rahimahullah ta'ala, va nous parler des différentes manières pour se soigner de la sorcellerie. Et il va nous expliquer qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est interdit à ce sujet. On va donc s'arrêter là pour ce soir, inshallah ta'ala. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا